Vous savez tous exactement qui je suis. Il est midi, je viens de me lever. Ces messages, ces appels, j'ai manqué. Pas remis de la jack de la veille. Je la fuis, je fais le con, je vais la perdre. Je me dis qu'il faut que je me range. Wife, monnaie, posée dans le ranch. Trop de doutes, perdu dans ma tête. Ce qui me retient, c'est ta gueule dense. Traîne plus dans le bloc, elle me dit. Laisse tomber tes potes, elle me dit. Viens, on se barre loin, elle me dit. Traîne plus dans le bloc, elle me dit. Laisse tomber tes potes, elle me dit. Viens, on se barre loin, elle me dit. J'ai pas le temps. Oui, Amri, t'es trop nia. J'suis loin d'être maniable, t'es rempli de manières. Tu m'as mis sur le côté, manière c'est toi qui fais. Avec tes on m'a dit, est-ce qu'on t'a dit qu'un jour t'allais sauter? Que des paroles en l'air, des défauts. J'en ai cassé ma voix, jamais aucun effort. Tu fais que tu montes en l'air et j'te donne pas l'heure. Si j'suis folle, bah toi t'es faux. Qui s'écorfe dans le fond? Tu veux la paix? Qui crée la guerre? Tu réponds pas quand je t'appelle. Tu kiffes leur dire que je prends la tête. Je suis la première qui veut ton bien. Les premiers à te mettre à terre. À deux on fera la une. Que si seulement on fait la paix. Je voulais qu'on brille comme un disque d'or. Ne pas finir dans l'ombre. Tes potes te disent voilà quitte là. Et mon cœur quitte le. Tu t'arrêtes tôt, on m'a dit. Ma biche la passe sur pilotis. Je voulais qu'on brille comme un disque d'or. Oui, Amri, t'es trop nia. Un coïba au baléa. J'suis loin d'être maniable. T'es rempli de manières. Tu m'as mis sur le côté. Manière, c'est toi qui fais. Avec tes on m'a dit. Est-ce qu'on t'a dit qu'un jour t'allais sauter? Que des paroles en l'air, des défauts. J'en ai cassé ma voix. Jamais aucun effort. Tu fais bien que tu montes en l'air. Et j'te donne pas l'heure. Bah toi t'es fou, qui s'écorfe dans le fond. Que des paroles en l'air, des défauts. J'en ai cassé ma vie.